besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Car je suis mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi?